Lettre troisième de Marseille, le 27 août 1817. Si l'aspect de la misère afflige un cœur bien placé, combien les tableaux de la prospérité lui procurent de douces jouissances. À peine sorti d'Avignon, j'ai rencontré un nombre considérable de charrettes chargées de blé et d'autres denrées, qui m'ont agréablement surpris et ont effacé peu à peu les idées lugubres qui m'avaient accompagné depuis Lyon. Le paysage, triste et monotone jusqu'à Aix, le devient davantage en approchant de Marseille. Tu sais combien est peu riante la verdure de l'olivier. Elle arrête les regards sans les réjouir. Mais à la hauteur de la vista, un spectacle imposant appelle l'attention et chasse la tristesse que l'aspect d'une campagne aride a fait naître dans l'âme du voyageur. Un nombre infini de petites maisons, nommées bastides, s'élevant à vos pieds comme autant de petites cellules, ne vous occupe qu'un instant. La mer est là, devant vous, la mer immense, comme dit Goethe, couverte d'une forêt de mâts et baignant la rive de Marseille qu'elle nourrit et féconde. Je suis entré dans la ville au milieu d'une double haie de rouliers qui, joyeux comme les troubadours de leur pays, entonnaient d'antiques refrains, et le fouet d'une main et la bouteille de l'autre semblaient me rappeler que la gaieté est fille du travail et de l'industrie. Un ciel presque toujours serein ne porte aucun obstacle aux travaux accoutumés. Satisfait de son salaire, l'artisan commence gaiement sa journée et l'a fini comme il l'a commencé. Le lendemain le retrouvera aux mêmes occupations et lui offrira les mêmes ressources et les mêmes jouissances. Je ne dirai que deux mots sur la ville de Marseille. La partie neuve est magnifique et rien ne peut être comparé au quartier Beauvau et de la Canebière. Mais aussi, rien n'est plus sale et plus insalubre que la ville vieille. Elle est presque inhabitable dans les grandes chaleurs. Le devoir m'appelle à Toulon et j'y vole. Plus j'approche du moment du départ et plus il me paraît pénible. Le souvenir de mes chagrins ne me fait pas oublier les moments agréables que j'ai passés auprès de quelques vrais amis. Il est cruel, je t'assure, de dire un long adieu à sa patrie. Va, notre amour pour elle n'est pas une chimère. Je la quitte et des larmes amères s'échappent de mes yeux.